Eh oui, on est comme ça chez Ixina. Vous faire plaisir, ça nous fait plaisir. En ce moment, jusqu'à 2500 euros offerts sur votre cuisine équipée. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions en magasin et sur ixina.fr. T'as pris un petit réchaud ? J'ai pris un petit réchaud. Alors, j'ai amené des ravioles. Au pesto et de la saucisse. Super. Mais il va falloir que je trouve une grille. Je vais aller la trouver dehors. Non mais on a juste ouvert la porte et il y a une chouette. Je pense que c'est une chouette, moi. On entend l'intérieur de la cabane. On va voir dehors. Ah ouais. Ah ben. Ah chouette, tu m'attendais. Oh, tu sais, je peux poser mon assiette. Ce que les animaux doivent à la nuit. Dans l'obscurité de l'Ariège. Nous, les êtres humains diurnes, nous ne sommes pas constitués pour la nuit. Nous l'avons peut-être apprivoisé de manière transgressive à grand renfort de lumière, de psychotropes ou de bruit. D'amour aussi. Comme les antilopes qui choisissent la nuit pour boire, loin des braconniers, bon nombre d'espèces habituellement diurnes développent aujourd'hui des stratégies nocturnes loin des nuisances anthropiques. Bien d'autres ont toujours opté pour la nuit, pour l'écholocation, pour la bioluminescence, pour l'odorat. La question de savoir de quoi est faite la pénombre revient chaque soir depuis la nuit des temps. Comme la promesse d'autres paysages sonores que ceux de nos villes bruissantes. Pendant la période d'isolement, les raisons d'aller à la nuit m'ont profondément manqué, notamment ces bivouacs en montagne et leur silence. Avec Florine, une amie accompagnatrice en montagne, nous voilà à nouveau dans une petite cabane perdue dans la vallée du Couseran, dans les Pyrénées, avec nos sacs à dos, nos ravioles, nos raquettes et nos bûches. Alors que l'épaisseur de la nuit monte, quelque chose se tait, se retire, se dessine, et d'étranges bruits environnants se révèlent à nouveau le long des rivières, au fond des grottes, en forêt, en plaine, en montagne. Quelque chose se niche, se cache, se terre dans l'obscurité. C'est un dessin de petite dimension que l'on attribue à Jérôme Bosch. Au centre de la feuille se dresse, sur l'axe vertical médian, un important arbre mort qui occupe quasiment tout le premier plan du dessin. Dans le creux de celui-ci, un hibou, ou peut-être plus précisément, une chouette chevêche, démesurément grande, qui regarde en direction du spectateur, ou tout du moins qui regarde en dehors du dessin, et qui appelle à une forme de communication. Au pied de cet arbre, nous avons un second creux qui accueille, lui, deux autres animaux, un renard et un coq. Dans la partie supérieure du dessin, toujours sur l'arbre mort, quatre oiseaux, deux sont agités alors que deux reposent paisiblement sur les branches. Au second plan, nous avons un bosquet où nous pouvons voir une forêt anthropomorphe, qui est dotée de deux grandes oreilles humaines. Et au premier plan, sur la colline, nous pouvons voir sept yeux humains. Delphine Rabier, historienne de l'art. Ici, il faut plutôt le comprendre comme un dessin allégorique, si vous voulez, comme un paysage sonore, comme une mise en image d'un proverbe. C'est le titre du dessin, « Le champ a des yeux et les bois des oreilles ». Peut-être ici, Bosch représente aussi pour l'homme du Moyen-Âge qui est habitué à des villes d'où émergent beaucoup de bruit, peut-être évoque-t-il aussi le repos, le silence de la nature, écouter tout simplement le bruissement des feuilles, le bruit des oiseaux et cette chouette qui nous rappelle sans cesse « Attention, le champ a des yeux, la forêt des oreilles ». Donc là, on a une chouette-ulotte, ouais. Qui commence à chanter. Un mâle. Je suis Julien Vergne, je suis médiateur scientifique et ornithologue à l'ANA Conservatoire d'Espaces Naturels Ariège. Là, on est à la toute fin de l'heure des merles. On est où ? On est sur le Plantorel, à côté du Mas d'Asil. Donc c'est le Plantorel, c'est une petite chaîne calcaire qui est parallèle aux Pyrénées, qui est un peu le piémont pyrénéen. Et donc on est dans un endroit dégagé, on va dire avec des champs, avec des prairies de fauges, des zones pâturées, parce que c'est là qu'on va trouver la chouette chevêche, la chevêche d'Athéna, qui est un petit rapace nocturne, qu'on va essayer d'aller repérer et inventorier ce soir. Donc là, on entend les merles qui alarment un peu, qui sont en train d'annoncer à tout le monde qu'il va bientôt faire nuit. Et donc c'est précisément le moment où il faut se tenir à l'affût et écouter. On fait abstraction des bruits, de la roue, des avions qu'on peut entendre pour se concentrer sur tous les sons des animaux, sachant qu'il y a aussi des animaux domestiques, il y a des chiens, des vaches. Donc il faut tendre l'oreille pour isoler les sons. Là, on vient d'entendre un mâle de chouette hulotte. Alors comment on sait que c'est un mâle ? On sait que c'est un mâle parce que c'est son sifflement, enfin son ululement qui est comme ça. La femelle, elle a un chant qui est différent, qui fait une espèce de kiwik très aigu et qui n'a rien à voir en fait avec ce chant-là. Comment il fait le mâle ? Alors le mâle, il fait... Si jamais je le fais trop, en fait, les mâles qui sont autour, alors dans un premier temps, ils vont répondre. Et puis au bout d'un moment, il y en a qui vont venir. Tiens, là, on entend un chevreuil. Un chevreuil ? Un chevreuil qui aboie, là. On dit qu'il aboie. Des fois, je fais des sorties nocturnes avec des gens, et quand on entend des chevreuils, ils veulent pas croire que c'est un chevreuil. Ils pensent que c'est un ours ou une bête enragée, mais... Alors que non, en fait, c'est juste un petit chevreuil, mais qui a une grosse voix. Alors, je vais faire une repasse pour appeler les mâles. Donc, je vais imiter le chant d'un mâle. Et en fait, ça va jouer sur le côté territorial de ces animaux. Chacun va défendre son territoire en chantant. Ça, c'est les chauves-souris qu'on entend. C'est une grande chauve-souris, c'est de la noctule ou du molosse de Cestonie. Je serais incapable de dire laquelle des deux. Le protocole de la repasse, ça consiste à, quand on arrive sur un point d'écoute, généralement quand on arrive, on écoute pendant à peu près 3-4 minutes. Si jamais on entend les oiseaux qui chantent spontanément, ça ne sert à rien de faire de la repasse, ça ne sert à rien d'imiter le chant, puisque on les entend, donc on sait qu'ils sont là, et c'est encore plus efficace que si jamais on imite. Et si jamais on n'entend rien, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas d'individu, ça veut peut-être dire qu'ils sont occupés à autre chose, ils sont en train de chasser ailleurs, etc. Donc on va provoquer en fait une réponse. Donc là, comme ça fait un moment qu'on n'entend rien et qu'on est là depuis un petit moment, on va essayer de les faire réagir. Alors ici, pas de chevêche, on va à un autre endroit. On va aller à un autre endroit et on va faire comme ça jusqu'à peut-être minuit, 1h du matin. On va faire plusieurs endroits et si jamais on entend quelque chose, eh ben, on notera tout ce qu'on va entendre. D'accord. Je m'appelle Loïc Ardouin. Et je suis enseignant à l'Institut supérieur de l'environnement à Versailles. Alors, elles ululent ? Comment elles ululent ? Avec quoi elles ululent ? Tous les oiseaux possèdent un syrinx qui leur permet de produire des sons. Les chouettes, on les appelle des non-ocines, hein, c'est des oiseaux qui vont produire des sons qui sont très très stéréotypés. À l'inverse des ocines, hein, dont les passereaux qui, eux, sont capables d'apprendre leurs syllabes, leurs chants, hein, ce qui n'est pas du tout le cas des chouettes. Hein. Donc on est sur une vocalisation qui est produite de manière complètement innée. Les raisons de la production de ce son sont encore pas forcément très très bien connues, puisque certains, ça va plutôt être un vortex, hein, qui va être produit, alors que d'autres, hein, ça va être une membrane qui va vibrer. Le ululement est produit principalement la nuit, que ce soit chez la chevêche ou le hibou psyduc. C'est vrai que chez la chevêche, elle peut aussi produire des ululements la journée, mais très principalement, ça va être la nuit, en période de reproduction. Les nuits de printemps vont être le début, hein, de l'activité de l'ululement des chouettes et des hiboux, hein, qui vont se signaler dans leur territoire. Alors les chevêches, par exemple, d'Athéna, sont des espèces qui sont dites hyper territoriales ou super territoriales parce qu'elles vont très souvent défendre leur territoire pendant toute l'année. Elles vont rester, elles sont assez sédentaires, elles ne bougent pas trop. À l'inverse du hibou petit duc qui, lui, va réétablir son territoire tous les ans, hein, puisqu'il migre en Afrique pendant l'hiver et revient en France au printemps. Les chouettes et les hiboux, dans le cadre de leurs conflits territoriaux, se jaugent. Alors, elles peuvent se jauger de différentes manières. Ça peut être à la fois sur la durée de l'activité de défense du territoire, c'est-à-dire plus elles vont chanter, plus elles montrent qu'elles ont de bonnes capacités énergétiques et donc une bonne capacité. Voilà, elles sont costauds, elles sont fortes. Donc ça veut dire que elles sont en mesure, hein, de défendre leur territoire de manière assez efficace. Et on sait que les fréquences de l'ululement transmettent une information sur la capacité compétitive des mâles. En somme, quand le ululement du hibou petit duc est de basse fréquence, hein, ça signale plutôt des individus qui sont en bonne condition corporelle. Et les hautes fréquences signalent plutôt des mâles qui sont en mauvaise condition corporelle. C'est vraiment le rôle principal, la fonction principale de ces vocalisations, dont les ululements, de pouvoir jauger son opposant et d'adapter sa réponse territoriale. Les ululements sont en fait là pour résoudre le conflit de manière pacifique, pour justement éviter ce qu'on appelle l'escalade dans un conflit territorial, hein, pour éviter justement les risques de blessures, voire les risques de mort. Évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas chez les chevêches, mais chez certaines espèces, on peut avoir des risques de mortalité dans le cadre des conflits territoriaux. L'autre fonction du ululement, c'est l'attraction du partenaire. La femelle va effectivement utiliser tout un ensemble de signaux ou de critères, hein, dans l'ululement du mâle, de façon à le sélectionner et le choisir. Parce que les femelles vont plutôt chercher les meilleurs mâles, hein, ceux qui sont effectivement de meilleure qualité. Chez les chouettes et les hiboux, on imagine que le choix du partenaire va se faire sur les critères du ululement principalement. Alors on sait que les mâles en particulier peuvent essayer de tricher, hein, pour en gros paraître soit de meilleure qualité qu'ils ne le sont, beaucoup plus beaux qu'ils ne le sont, beaucoup plus forts qu'ils ne le sont. Mais on sait aussi que la tricherie, ça va être quelque chose de coûteux. Et le hibou petit duc, justement, est capable, en tout cas pour les individus qui sont de meilleure qualité, de baisser un petit peu leur fréquence d'ululement de façon à paraître plus gros ou en meilleure condition qu'ils ne le sont. Et seuls les individus de meilleure qualité sont capables de tricher. Il y a une histoire de discrimination du voisin étranger. Qu'est-ce que c'est ? Les chevêches d'Athéna, elles ont... Ce sont des espèces qui sont très territoriales. Et donc, j'ai mené une expérience pour voir si elles étaient capables de discriminer les individus voisins, des individus étrangers, hein, alors, dans le sens où un individu, en tout cas, qui n'a pas un territoire proche du sien. Et donc, l'idée, c'était de mener une expérimentation, donc de diffuser une repasse à la place et l'endroit du voisin, et de voir la réponse de la chouette résidente dans son territoire. Et également de bouger le voisin et de le mettre à un autre endroit qu'à sa position habituelle. Et puis on a effectué la même chose avec des ululements de mâles complètement étrangers à la chouette qui est dans son territoire. Et ce qu'on a vu, c'est que les mâles de chevêche d'Athéna sont non seulement capables de discriminer les individus entre eux, hein, c'est-à-dire d'identifier des individus, on parle plutôt d'identification, donc de discriminer des individus entre eux, et également d'identifier leur localisation spatiale. Et notamment la nuit. Quand j'étais adolescent, j'ai adoré en fait me balader la nuit ou aller passer la nuit dans des arbres. Écouter tous les sons qu'il y avait. Il y a plein de sons que j'entendais, je ne voyais pas ce que c'était comme animal. Jusqu'au jour où soit j'ai réussi à en apercevoir, soit en voyant un reportage ou en écoutant des CD sur les sons des animaux, j'ai pu mettre un nom sur les sons que j'entendais régulièrement. Après, des fois, on a tellement envie d'entendre un truc que des fois, on a des hallucinations auditives. Mais là, par exemple, c'est bien un chien qu'on entend. La chevêche, on la voit, elle se reconnaît toujours pareil à sa taille, qui est assez petite, qui fait... Oui, à peu près 20 cm de haut. Après, ça dépend dans quelle position elle est. Dans les petites chouettes, assez facile à voir, c'est la seule qui a les yeux jaunes. Contrairement à la chouette hulotte ou à l'effraie des clochers qui ont les yeux noirs. Et elle a des grands sourcils blancs qui la rendent assez facile à reconnaître. On peut la voir assez facilement, même en plein jour, sur des piquets de clôture ou sur des poteaux... téléphone ou électrique sur le bord des routes. Elle peut être active en plein jour et souvent ce qui frappe les gens c'est ses yeux jaunes très perçants. C'est pour ça qu'on l'appelle la chevêche d'Athéna parce que son Athéna on va dire c'était la déesse de la sagesse et de la guerre et son animal qu'elle avait tout le temps avec elle c'était une chouette chevêche. C'est pour ça qu'on l'appelle la chevêche d'Athéna, parce que c'est la plus ancienne représentation qu'on a de cet animal-là. Et donc certains disent que cette chouette-là était aussi dotée d'une certaine sagesse, notamment par rapport au regard qui est assez... Effectivement, quand une chevêche nous regarde, on a l'impression qu'elle est en train de nous scanner, de lire dans nos pensées. Et donc, si on a la conscience pas tranquille, et ben... On déglutit un peu. Et donc on a l'impression qu'elle nous dévisage et qu'elle nous juge, en fait. Donc oui, c'est un peu impressionnant. Les chouettes, en gros, ils ont la tête toute nue. Et les hiboux, ils ont ce qu'on appelle des aigrettes sur le dessus de la tête qui ressemblent à des oreilles, enfin qu'on prend souvent pour des oreilles, mais qui ne sont pas du tout des oreilles, qui sont l'équivalent des sourcils, en fait. Et elle a deux visages. Elle a deux visages. Elle a un visage devant et un visage derrière. Quand elle nous fait face, on voit ses yeux. Et si jamais elle tourne la tête, parce que comme tous les rapaces nocturnes, elle est capable de tourner complètement la tête, de faire presque un 360. Et quand elle nous tourne le dos, on a l'impression de voir des grands sourcils blancs. On voit pas les yeux, mais on voit deux grands sourcils blancs. Et on peut avoir l'impression qu'en fait, qu'elle nous regarde. Des fois, on est incapable, même quand on a l'habitude, on est incapable de savoir si elle nous regarde ou si elle nous tourne le dos. On pense que c'est une façon de pouvoir se protéger des prédateurs, justement les prédateurs qui vont moins facilement attaquer si jamais on les regarde. Et bien là, du coup, même si jamais Elle regarde ailleurs, elle a quand même des, entre guillemets, des yeux derrière la tête. Alors là, l'heure est bleu nuit. Presque nuit. C'est presque nuit. Si jamais on voyait passer un chevreuil, même à 20 mètres, d'ailleurs on n'arriverait pas à lui distinguer, on verrait peut-être une ombre, on l'entendrait, mais... Donc là on écoute. On est où ? On est sur un autre versant, on va dire, de colline. Et comme on n'entend rien, en tout cas pas de chouette, on va faire comme tout à l'heure, on va appeler et voir si jamais il y a des mâles qui répondent. Plus loin. On est là juste au-dessus du mas d'asile. On est au-dessus du mas d'asile. On est au nord de la grotte et on aperçoit un peu sur notre droite, on aperçoit la chaîne du Plantoret, la fameuse bande calcaire là, qui surplombe le village. Alors là, tous les gens du village vont entendre. Tous les gens du village vont entendre. Et là, il pourrait aussi y avoir des chouettes effraies. Il pourrait y avoir des chouettes effraies. On l'entend souvent quand on est assez proche parce qu'elle a un son très particulier. Qui ressemble pas du tout au son qu'on peut imaginer, en tout cas, de sifflement ou de cris des rapaces nocturnes, en général. Ça a fait une espèce de chuintement très bizarre. Ça fait une espèce de... Un truc comme ça. Donc il y a eu beaucoup de légendes sur la chouette effraie. Ouais, il y a eu beaucoup de légendes et c'est pour ça que Même encore maintenant, même encore de nos jours, même si c'est interdit évidemment, ça arrive encore qu'il y en ait qui se fassent clouer sur les portes des granges pour conjurer le mauvais sort ou pour porter le mauvais œil sur un voisin qu'on n'aime pas, ou ce genre de choses. Parce qu'on attribue toujours même une connotation presque mystique ou religieuse par rapport à ces animaux-là. Et comme en plus, souvent, elle niche dans des clochers, pas que, mais elle peut nicher dans des clochers, dans les combles des églises ou dans les combles des granges, ou des maisons abandonnées. Du coup, voilà. C'est là aussi, souvent, c'est à cause d'elle que naissent les légendes des revenants qui marchent au premier étage de la maison, en fait, parce qu'elle est capable de marcher ou de sautiller. Et donc, du coup, on peut penser que c'est... quelqu'un qui marche. Vous nous refaites la chouette effraie, parce que c'était quand même un peu étonnant. La chouette effraie, c'est un petit rapace nocturne aux alentours des 300 grammes, qu'on appelle aussi la dame blanche, puisqu'elle a une couleur très claire, plus ou moins blanche. Et ben on va aller un peu plus haut. On va aller vers le dolmen. La chouette effraie, comme tous les rapaces nocturnes, possède ce qu'on appelle un masque facial. Donc c'est une architecture des plumes au niveau du visage qui fait penser un peu à un visage humain ou à un visage d'un chat. Et ça fonctionne exactement comme une parabole. D'ailleurs, ça ressemble à nos paraboles pour capter le signal satellite. Et cette parabole, elle va permettre de centraliser les sons. Je suis Simon Potier, je suis chercheur en écologie sensorielle, principalement sur les rapaces, et je suis également fauconnier. Les rapaces nocturnes, même quand il va faire nuit très noire, ils vont très peu voir, et donc ils vont principalement se déplacer à l'ouïe. Et donc ils vont pouvoir amplifier le son qu'ils vont capter, et en plus, l'avantage des rapaces nocturnes, en tout cas chez la chouette effraie, ça a été démontré, les conduits auditifs autrement dit les oreilles, sont asymétriques. Il y a une oreille qui va écouter par le haut et une oreille qui va écouter par le bas. Ce qui va leur donner en plus une précision sur le plan vertical, d'environ 3-4 degrés aussi. Et donc, on le sait, les rapaces nocturnes vont pouvoir chasser seulement à l'ouïe. Et il y a des expériences sur la chouette effraie et également sur la chouette hulotte qui montrent que si, en pleine nuit, on met une proie, une fausse proie, dans une zone qui est complexe, donc on va rajouter des structures, des arbres dans la zone en pleine nuit, et que cette proie émet un son, eh bien la chouette effraie ou la chouette hulotte tombe pile dessus. Donc on est sûr que c'est simplement au son, parce qu'elle ne peut pas avoir cette proie-là. Et quel son on choisit ? C'est un son qui va être fonctionnel pour ces rapaces nocturnes-là, donc c'est un son plutôt naturel, donc c'est un son de souris, typiquement c'est voilà, des sons de souris comme ça, qui vont attirer le rapace nocturne, même s'il n'y a pas de nourriture. L'expérience a été refaite sans nourriture, juste avec le son, et elle tombe pile dessus. Du fait que les rapaces nocturnes chassent principalement à l'ouïe, il faut surtout pas qu'elles fassent de bruit, pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il faut qu'elles ne fassent pas de bruit pour qu'elles puissent entendre. Et la deuxième raison, elles ne font pas de bruit pour surprendre leur proie. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les rapaces nocturnes ont des structures de plumes qui sont très particulières, qui vont leur permettre de ne pas faire de bruit du tout en battant des ailes. Sur la structure externe des plumes de vol, il y a ce qu'on appelle un peigne. Ça ressemble à un peigne, typiquement un peigne avec lequel on se coiffe. Et en fait, si vous prenez par exemple une plume de rapace diurne et de rapace nocturne et que vous faites le mouvement de bas en haut, la plume de rapace diurne va faire beaucoup de bruit. La plume de rapace nocturne ne va pas faire de bruit. C'est exactement comme si on était dans l'eau et qu'on tape avec les doigts fermés. On fait beaucoup de bruit à la surface de l'eau. Quand on a les doigts ouverts, on fait beaucoup moins de bruit puisque la structure physique de l'eau passe entre les doigts. Et donc, il y a moins de bruit. Alors comment elles voient ? Les rapaces nocturnes, par rapport à leur boîte crânienne, ont un œil qui est extrêmement gros. Si on prend le Grand-Duc d'Europe, un seul œil est plus gros que son cerveau en entier. Ce qui montre bien l'importance d'avoir des gros yeux pour ces rapaces nocturnes. Donc ça, c'est une des capacités qui fait qu'ils peuvent voir de nuit. Pas de loin, pas de près, mais qui au moins, il y a la lumière qui arrive dans l'œil pour pouvoir utiliser les cellules qui permettent de voir dans l'œil. Ensuite, les rapaces nocturnes ont une capacité extrêmement importante de dilater ou de rétracter leurs pupilles. Et enfin, le dernier point qui va être important, c'est le type de cellules qu'on va avoir dans l'œil. Il existe deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les cônes, ça va être les cellules qui vont permettre de pouvoir voir quand il y a beaucoup de lumière, autrement dit le jour, et qui vont permettre, dans la plupart, quasi totalité des cas chez tous les animaux, les différentes couleurs. En tant qu'humain, on a trois types de cônes. Certains spécialisés dans les bleus, dans les verts, dans les rouges. Et avec ce mélange-là, on voit toutes les couleurs qu'on est capable de voir. Ça, c'est vrai pour ce qu'on appelle les strigidés. Donc c'est tout ce qui est chouette hulotte, chouette chevêche, hibou, grand-duc. En tout cas, les espèces qui ont été étudiées. Ils vont voir cet ensemble de couleurs qui va être très proche de l'ensemble des couleurs de l'homme. Ça va pas être vrai pour les titonidés. Les titonidés, c'est les chouettes effraies, les effraies des clochers, chez qui il va manquer un type de photorécepteur. Et en manquant ce type de photorécepteur, ils vont voir moins de couleurs que l'espèce humaine. Et puis il y a les bâtonnets, c'est les cellules, les photorécepteurs, qui nous permettent de voir de nuit. L'œil humain est composé principalement de cônes. Et donc quand il fait nuit, ces cônes ne sont pas excités, on dit, ils ne fonctionnent pas. Et donc, on n'arrive pas à bien voir. L'œil des rapaces nocturnes est principalement composé de bâtonnets. Et donc, quand il fait nuit, il y a beaucoup de cellules qui sont excitées dans l'œil. Et donc, ces cellules-là vont transmettre un message au cerveau qui va leur permettre de voir de nuit. Les yeux des rapaces nocturnes ne sont pas mobiles. Pourquoi ? Comme ils optimisent la taille de l'œil, eh bien, pour optimiser la taille de l'œil dans la boîte crânienne, les yeux sont en forme de cloche. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, la cornée à l'extérieur, mais au sein de la boîte crânienne, l'œil s'élargit en forme de cloche. Comme c'est en forme de cloche, ça va tout de suite être arrêté par les structures osseuses autour ou les muscles, et donc ils ne peuvent pas bouger les yeux. Et c'est pour ça que les rapaces nocturnes bougent énormément la tête. Et un rapace nocturne est capable de bouger la tête à 270 degrés, c'est-à-dire qu'il part face avant, et s'il va tourner vers la gauche, il est capable d'arriver le regard sur la droite. Température négative, ce qui est rare dans une grotte, mais c'est normal en même temps puisqu'on est dans cette espèce de gros tuyau dans lequel coule la rivière et le vent froid s'engouffre dedans. Pardon. Voilà, ça va être ce passage-là. On est dans la grotte du Mas d'Asile, donc on vient de monter dans les parties hautes de la grotte, on s'est éloigné de la rivière qui fait un bruit qu'on entend loin, et là on part petit à petit dans les zones les plus profondes de la grotte, on va rentrer dans le cœur de la montagne. Et tout va changer, c'est-à-dire que là maintenant, on va être dans le noir absolu, plus aucun bruit. Autant ici, on voit encore les variations du climat, l'hiver, l'automne, on sent la température. On va passer un sas que les hommes préhistoriques ont utilisé parce que justement, il faisait meilleur dans cette partie de la grotte. Et aujourd'hui, les chauves-souris y sont aussi parce qu'elles bénéficient de ce climat. On y va ? On y va. Laurent Bruxelles, carcologue et géoarchéologue. On sent déjà la température change, et puis le bruit de la rivière qui s'estompe petit à petit. Et là, je vais pousser la porte et on passe dans un autre monde. Vous allez le sentir. Plus un bruit et l'écho d'une grotte. Là, il fait très doux. Il fait très doux. Alors, la température d'une grotte, c'est la moyenne annuelle régionale des températures. Et c'est ce microclimat que cherchent justement les chauves-souris. Soit pour de l'hibernation, soit du transit, soit ensuite de la reproduction. Alors là, on est à quel moment pour les chauves-souris ? Là, elles vont bientôt se réveiller. Donc c'est le moment où justement elles commencent un petit peu à émerger. À l'extérieur, les températures sont un peu plus douces. Il commence à y avoir des insectes et donc elles vont commencer à sortir. Ils vont arriver bientôt, celles qui vont se reproduire dans la cavité. C'est aussi une nurserie, donc c'est pour ça que ce site, le site du Mas d'Asile, est un site protégé et extrêmement important pour les chauves-souris, parce qu'il n'y a pas tant de grottes que ça maintenant, où on retrouve des grosses colonies de chauves-souris. Et là, c'est quelle espèce ? Là, ce sont des myoptères, il y a peut-être quelques rhinolophes. Alors c'est pareil, comme au long de l'année, il y a un changement de chauves-souris et d'usage finalement de cette salle, les espèces tournent aussi. Donc il y a des chiroptérologues qui sont des spécialistes qui protègent et qui surveillent ce site et qui viennent régulièrement les compter. Vous passez énormément de temps sous terre. Oui. Oui, ben là, c'est un souterrain. C'est ça, ouais. Je protège les UV. Voilà, ça c'est l'autre salle. Voilà, on va s'arrêter là, parce que là il y a un tas de guano. Il faut marcher avec le pied gauche. Hein, mais... alors, quand on voit du guano, bien évidemment, dans la grotte, hein, c'est noir, hein, c'est des petites crottes noires, c'est pas comme le guano des oiseaux marins, mais clairement ça veut dire qu'à la verticale il y a des chauves-souris et on voit ici les traces sur le plafond, donc juste à la verticale du tas de guano. Et donc on voit cet aspect un petit peu zébré de la roche, c'est ce qu'on appelle de la peau d'éléphant. L'eau ne fait pas ça. Lorsque l'eau coule dans les grottes, elle va plutôt faire des espèces d'échancrures, des lames d'érosion, des choses souvent très acérées, mais jamais ce qu'on appelle cette peau d'éléphant. Lorsque nous, on distingue déjà cette forme en peau d'éléphant, on sait qu'il y a eu certainement de la corrosion un peu plus active que de l'eau, et c'est déjà un premier indice. Et puis lorsqu'on descend sous la paroi, par exemple ici dans le bord de la galerie, on va noter des espèces d'échancrures ici dans la paroi. C'est aussi l'endroit où le guano tombait. Donc on imagine la chauve-souris à la verticale dans sa petite niche, la crotte de guano qui tombe, qui va ronger le calcaire et qui va faire cette encoche. À force d'étudier les grottes, j'ai remarqué que les chauves-souris non seulement avaient choisi certaines parties de cavité évidemment pour rester dans la cavité, mais aussi avaient modifié à la fois l'ambiance de la cavité, voire même les formes de parois, et que les colonies successives au fil des centaines et des milliers d'années ont totalement déformé, changé, élargi, recreusé certaines parties de grottes. C'est un phénomène qui était inconnu il y a encore quelques années. Okay. C'est la biocorrosion. Il faut imaginer que lorsqu'il y avait des centaines de milliers de chauves-souris ici, il y avait plusieurs mètres de guano, plusieurs mètres d'épaisseur hein, sur toute la salle. Donc l'air était quasi irrespirable, ça veut dire de l'ammoniac, ça veut dire une hausse de température parce que le guano va fermenter, il va se minéraliser. Et surtout beaucoup d'acides et de CO2 qui vont être relâchés par cette fermentation. Et le calcaire, c'est très très sensible à tous les acides, notamment le CO2, mais aussi l'acide sulfurique, l'acide nitrique. Et évidemment, mais le calcaire a été dissous. Et donc cette grotte a été totalement modifiée parce que elle a été creusée, le sol a été aplani, donc elle ressemble plus tout à fait à ce qu'elle était à l'origine. Mais c'est un endroit, où il reste encore quelques vestiges archéologiques. On va s'en approcher un petit peu, mais voilà. Vous avez vu, là, il y a un tas aussi de guano. Ah oui. Je vais mettre un petit peu de lumière, hein, parce que là-bas, c'est pas éclairé. On sent bien qu'on s'enfonce hein, de plus en plus. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait plus de bruit, et maintenant, il n'y aura plus de lumière. C'est loin. C'est dormi. Alors attention à la tête. Les écrivains là-haut. Alors, en fait, elles sont là-haut, en principe. Ouais, elles sont là, vous les voyez. Et on voit qu'elles bougent, donc elles sont déjà réveillées. Voilà, vous voyez, on les voit bouger. Uh-huh. Donc on sent bien que ça y est, elles ont passé le cycle là, de la période d'hibernation. Et peut-être c'est déjà des colonies en transit. En tout cas, elles sont clairement actives. Il y a quoi? Peut-être une centaine de chauves-souris. Oui, une centaine, oui. Mais vous voyez qu'on ne les entend pas. Alors des fois, elles font des petits cris audibles. Mais la plupart du temps, tout leur système d'écolocation, on n'entend pas. Ça. Nous, on ne perçoit pas les ultrasons. Allez, on fait demi-tour, on repasse dans les petits boyaux. Et maintenant, on va voir les galeries ornées. Seule lumière tombe en bas. Hein. Ah oui. Maintenant, on a les téléphones, donc on peut toujours ressortir. Mais... Ah, il a pu vous arriver des aventures pas possibles. Hein. Oui, ça m'est arrivé de me retrouver tout seul dans le noir, dans une grotte. Dans une grotte, en plus, que je connaissais très très bien, puisque j'ai guidé pendant des années. Eh bien, du coup, je me suis assis, je me suis dit, j'attends les copains. Puis après, je me suis dit, bon, j'attends, je vais bouger un petit peu. Parce que je savais qu'il y avait un petit peu d'eau un peu plus loin, mais j'avais une lampe à carbure, il fallait juste de l'eau. Et donc à quelques mètres de là, il y avait de l'eau. Et puis plus j'avançais, plus le terrain devenait en pente. Et je savais qu'il y avait un puits de 90 mètres là où je m'étais arrêté. Et finalement, je me suis arrêté et j'ai attendu mes copains qui devaient arriver à gauche. Et ils sont arrivés à droite, c'est-à-dire qu'en 10 mètres, j'avais déjà tourné sur moi-même. Ouais. Et donc j'aurais jamais trouvé la sortie. C'est-à-dire qu'on perd complètement. Complètement. Notion du temps, notion des distances, notion de... Le moindre bloc devient un obstacle. On ne sait plus si on est passé dessus, etc. Et puis on peut rester tant qu'on veut, l'œil ne s'habituera pas. C'est pour ça d'ailleurs que les animaux qui vivent longtemps dans les grottes, hein, qui vont passer des générations et des générations, vont perdre la vue, puisqu'elle ne sert absolument à rien. Ils vont plutôt développer l'écholocation ou les poils, les choses comme ça, qui vont perdre de sentir l'environnement. Mais la vue, il n'y a rien à faire. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans des petites galeries, lorsque j'avançais, de m'arrêter. Je me dis, mais quel est ce bruit? Et en fait, c'est son cœur qu'on entend. Oui. Moi, je suis toute petite, donc ça va, mais... Ah oui, mais sous terre, être grand, c'est pas un avantage. Et parfois, il y a des passages tellement étroits et biscornus que c'est la taille du fémur qui dit si oui ou non on passe. Comme c'est le plus long os du corps humain, eh bien, et qu'on ne peut pas le plier, évidemment, eh bien, ceux qui ont un grand fémur, ils restent coincés derrière. Donc un bon carcelogue est un petit carcelogue. C'est ça, un bon carcelogue sous terre, oui, c'est ça. À gauche, ici, vous pouvez voir des restes de crânes d'ours des cavernes. Il y a aussi des dents de mammouth, quelques ossements de mammouth. Il y a des moments où l'homme préhistorique et l'ours des cavernes ont dû un petit peu se croiser, voire se disputer certains territoires. Et il ne devait pas faire bon croiser un ursus pelus, qui pouvait atteindre 4 mètres quand même, dans une grotte. Parce que là, la taille est un avantage hein, pour un ours qui fait 4 mètres. Là, par contre, ils étaient très très habiles. On est impressionné de voir... Les endroits dans lesquels ils sont allés, des escalades, il y a des passages où on voit les traces de l'ours hein, qui passait, donc on est sûr qu'il faisait de l'escalade. Et je vous assure que même nous, avec une corde, on est prudent et on imagine l'ours tout seul dans le noir, en suivant son odeur, puisqu'il frotte les parois et il retrouve son chemin comme ça. qu'on croit un petit peu pâteau et en fait qui était extrêmement habile. Fabrice Bertil, biologiste. La tanière d'un ours, c'est quelque chose de très rustique. On imagine souvent à l'image des ours des cavernes qui ont disparu il y a très longtemps, des ours qui hibernent tous ensemble dans une grande caverne. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Un ours, ça hiberne tout seul dans une caverne, en général très rustique, qui peut être soit à l'abri sous un rocher, ou alors sous une souche d'arbre, ou alors l'animal va se creuser simplement un trou dans une butte. Certains mâles, un petit peu âgés, peuvent également simplement se confectionner un petit nid et se laisser recouvrir de neige, et ils vont passer comme ça l'hiver, en se laissant recouvrir par la neige, comme dans un igloo. Avant d'entrer dans la tanière, les ours vont bien sûr accumuler des réserves pour pouvoir supporter ces mois de disette. Donc leur alimentation va être exagérée. Ils vont être opportunistes et manger tout ce qu'ils trouvent jusqu'à atteindre presque 20 000 kilocalories par jour ingérées, donc 10 fois l'apport recommandé pour un homme. Et chez des ours bruns mâles adultes, par exemple, eh bien, ils peuvent très bien, à l'issue de l'été et de cette période d'hyperphagie, d'alimentation intense, avoir pris et accumulé entre 60 et 100 kilos de graisse. Et comment se passe l'entrée dans l'hibernation, physiologiquement, pour l'ours ? Eh bien, tout simplement, on ne comprend pas tout. On constate un certain nombre de phénomènes, comme par exemple la diminution du rythme cardiaque, la diminution de la fréquence respiratoire, une arythmie respiratoire potentiellement également, mais on ne sait pas ce qui déclenche vraiment l'hibernation. On ne connaît pas l'interrupteur. Accompagnant cette diminution du métabolisme, il y a bien sûr une diminution de la température corporelle, et donc il va hiberner avec une température qui oscille entre 33 degrés Celsius et 35 degrés Celsius tout au long de l'hiver. Pour autant, il peut se réveiller si on le perturbe ? Les ours, eux, ont une hibernation, ont une torpeur qu'on pourrait qualifier de légère, puisqu'ils restent sensibles aux stimulus de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils peuvent se réveiller pendant leur hibernation et être immédiatement opérationnels. On comprend que pour les ours, ce soit une nécessité vitale, puisque ces animaux souvent vivent dans des endroits où la météo fait ses caprices régulièrement. Et donc un ours qui a choisi, par exemple, sa tanière sous une souche d'arbre peut se retrouver avec l'arbre couché par le vent. Et donc il faut bien qu'il puisse réagir et aller chercher une autre tanière. Et là, pour les muscles de l'ours, il y a une perte très grande ? Moyenne, relative, comment ça se passe ? L'ours reste en hibernation dans sa tanière sans bouger et sans manger pendant 5 à 7 mois. Ne pas bouger, ne pas s'alimenter, ce sont des conditions qu'on dit atrophiques, donc des conditions dans lesquelles le muscle va tout simplement fondre chez n'importe quel organisme. Pourtant, chez l'ours, à la fin de son hibernation, lui, il n'aura perdu qu'au maximum, en fonction du muscle considéré, 15 à 20% de sa masse musculaire ou des protéines qui constituent son muscle. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette diminution d'environ 15%, on l'observe dès le premier mois d'hibernation, mais sur les mois qui suivent, sur les 4 ou 5 mois qui suivent, cette diminution n'évolue plus. Alors ça nous fascine, nous les humains. Donc nous, on aimerait bien comprendre effectivement les secrets de l'ours, comment il réussit à préserver sa masse musculaire et son contenu en protéines corporelles, puisque chez l'homme, chez les personnes qui sont fortement émaciées, ces personnes-là, en stade critique, prennent un risque évidemment pour leur survie. Les personnes âgées sont de moins en moins actives, souvent s'alimentent un petit peu moins et elles perdent du muscle. Les personnes qui vont rester alitées pendant des longues périodes dans des lits d'hôpitaux par exemple, ce sont des personnes à risque qui vont perdre énormément de protéines corporelles. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quels sont les mécanismes moléculaires, qu'est-ce qui se passe dans les cellules de ces ours lors de l'hibernation comparé à la période estivale et qui permettent d'expliquer leur préservation musculaire, ceci pour, on l'espère un jour, pouvoir transférer ces stratégies à la thérapeutique humaine. Pour nos spationautes, ça serait formidable. Pour tous les astronautes déjà aujourd'hui font des séjours dans l'espace pour des voyages de plus en plus loin, de plus en plus longs, une station permanente sur la Lune, un voyage vers Mars, pouvoir induire une situation similaire à la torpeur chez l'homme serait une excellente solution à tout point de vue. Tout d'abord du point de vue de la santé des astronautes, pour préserver leur masse musculaire par exemple, pour préserver leur masse osseuse, pour diminuer par une diminution de la conscience tout le stress psychologique qui peut ressortir de telles missions, le confinement, l'éloignement, etc. Et puis des astronautes qui seraient entre guillemets endormis en hibernation lors d'un vol spatial, ça veut dire que ce seraient des personnes qui auraient besoin de moins manger, donc emmener moins de nourriture. C'est aussi beaucoup moins de contraintes au niveau technique parce que c'est moins de poids à emmener dans l'espace. Alors de nouveau une petite galerie. Donc on baisse un petit peu la tête pour accéder à la salle suivante. La grotte du Mazazi, elle est connue pour tout le matériel qu'on y a trouvé, le matériel archéologique, pour les occupations, mais aussi pour son art pariétal. Des gravures, des peintures. Et ces gravures, ces peintures, on les retrouve tout le long de la cavité. Mais phénomène un peu particulier, c'est toujours dans des petites galeries latérales comme celle-ci. Eh bien là, c'est ça, c'est très intéressant, parce que du coup, les préhistoriens se sont posé la question. Ils se sont dit, mais pourquoi a-t-on de l'art uniquement dans les petites galeries? Comment se fait-il qu'on n'en ait pas dans les grandes galeries? Et leur hypothèse à l'époque, mais évidemment, on ne connaissait pas la biocorrosion, c'était cet art a été réservé pour des élites. C'est-à-dire que les gens qui peignaient ne peignaient pas pour tout le monde et ont peigné dans des endroits reculés, et ça se méritait d'aller le voir. En fait, très certainement, il y avait de l'art pariétal partout, et les grottes quasi intact que l'on connaît, montre bien que, notamment au Magdalénien, on peint tout ce qu'on peut, entre guillemets. Et on sait en plus que les hommes préhistoriques, ils sont forcément passés dans la galerie que nous venons d'emprunter pour aller dans celle-ci faire leur gravure. Il n'y a pas de raison, si les parois étaient belles et prêtes à peindre, qu'il n'ait pas aussi esquissé quelque chose. Donc l'homme est venu dans la grotte, il a fait ses gravures, la grotte s'est bouchée. Puis lorsque le climat s'est adouci, les chauves-souris sont arrivées. Et tous les endroits où ils ont pu aller ont été complètement corrodés et l'art pariétal a disparu. L'étude de la biocorrosion, alors ça c'est un paradoxe, hein, puisque les chauves-souris, ces animaux de la nuit, nous donnent l'information sur ce qui se passe à l'extérieur. Puisqu'évidemment, elles vont chasser à l'extérieur. Et alors, tous les soirs, tous les matins, elles reviennent dans les grottes dormir. Et elles vont faire leur guano dans la cavité. Il y a là une mine d'informations sur les climats passés et les paysages passés. Par exemple, eh bien dans certains tas de guano, on voit les premiers impacts de l'homme sur le paysage. Quand on passe de la chênaie, petit à petit, des milieux qui s'ouvrent, l'apparition des céréales, eh bien tout ça est enregistré dans le guano. De même, en étudiant, par exemple, les isotopes, et notamment, on a trouvé qu'il y avait du cuivre qui apparaissait de manière assez brutale dans certaines carottes. Donc on a fait une datation. La datation, c'était à moins de 3000 ans. Et chose étonnante, c'est le moment où apparaît la métallurgie du cuivre. Ils ont fait griller le minerai, donc non, ça fait du feu, ça fait de la fumée. Les insectes ont respiré ça, les chauves-souris ont respiré ça, et ça s'est retrouvé concentré dans le guano. Donc là, on a aussi finalement le signal des activités humaines, donc on peut imaginer qu'on va retrouver la métallurgie du cuivre, la métallurgie du fer, on va retrouver ça dans Tchernobyl, des choses comme ça. Tout ce qui a finalement marqué l'évolution des paysages, notamment liés à l'homme, est enregistré là-dedans. Et donc on peut avoir à très haute résolution les climats contemporains des hommes de la préhistoire. Qui répond. Donc celui-là, il est obligé de faire face à deux mâles. Enfin, si je me considère comme un mâle. Du coup, il va devoir faire des choix. Le plus aigu. Oui. Ah non, ça c'est une chevêche. Ah. Ça c'est la chevêche. On dirait qu'elle s'approche. Oui. D'autres animaux, y compris la chevêche, des frais des clochers, même le hibou moyen duc, le petit duc qui n'est pas encore arrivé, qui arrive plutôt en avril. Donc quand on est comme ici entre la forêt et les clairières, et ben, on est sur des mondes frontières un peu. On va s'équiper maintenant, en fait, comme ça, ce sera plus simple. Ça évitera de le faire en chemin. On voit bien les empreintes assez caractéristiques du grand tétras, où ça forme comme des petites flèches. Et sauf que la pointe de la flèche, c'est l'arrière du pied du tétras. Et donc là, on voit bien le pied gauche et le pied droit. Et il a laissé traîner dans la neige le bout de ses griffes. Celles-ci, on voit que il y a eu de la neige par-dessus, que ça a été transformé par la chaleur, donc ça veut dire qu'elles ont dû être faites il y a peut-être un ou deux jours, en fonction de la façon dont la neige se transforme. Et elle ressemble à quoi? Alors, faut imaginer une grosse poule qui fait bien 7-8 kilos. Pour le mâle, donc il est tout noir, avec un peu des reflets verts un petit peu au niveau de la tête. Il a un bec tout blanc et il a ce qu'on appelle une caroncule, c'est l'équivalent d'un sourcil rouge pétard qui se voit bien. Et toi, là, quand tu avances, t'as un œil qui est sans cesse en train de scruter partout. Oui. C'est terrible. Pourquoi? Parce que j'ai le cerveau qui est à 10 000 à l'heure, parce que je regarde tout en même temps et j'essaie d'identifier... Ben, à la fois les animaux, de quelle allure il avait, d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il y a une interaction entre les deux traces qu'on aperçoit côte à côte ou pas, etc. Ben, c'est ça aussi qui est génial avec les empreintes, c'est que en fait on peut arriver à recréer des scènes presque comme si on y était, en fait. Le plus impressionnant, c'était quand j'ai travaillé dans le Mercantour sur les loups. Quand on voyait juste avec les empreintes, on voyait la façon dont les loups attaquaient les mouflons. Et en fait, on avait l'impression que la scène se passait sous nos yeux, quoi. Parce qu'on voyait qu'il y avait un loup qui était là en embuscade, pendant qu'il y en avait un autre qui se mettait bien en évidence pour faire peur au mouflon. Le mouflon partait dans un sens, du coup l'autre prenait un revers. Enfin, c'était tout là, quoi. Une scène de crime. Une scène de crime, exactement. Ouais. Où est-ce qu'on est ? Alors, on est dans un petit vallon, donc juste à côté de la station de Beil. Et on va essayer d'écouter si jamais on entend de la Tegmalm, en imitant le chant de la chouette de Tegmalm. Ce que les animaux doivent à la nuit, dans l'obscurité de l'Ariège. Un documentaire d'Aline Pénito, réalisé par Anne de Pelchin, avec Florine Fèvre, Delphine Rabier, Julien Vergne, Loïc Ardouin, Laurent Bruxelles, Simon Potier, Fabrice Bertil. Merci à Fabrice Guizard, Jean-François Julien, Dorian Gauthier, aux accompagnateurs en montagne du Couseran, au village nordique d'Angaka, à l'ANA et au Conservatoire d'espaces naturels de l'Ariège. T'entends dehors ? Bah oui. C'est l'aube. Oui. Prise de son, Lucien Lefèvre. Mixage, Manu Couturier. Documentation, Annie Signoret. Stagiaire, Anne-Lisa Sada. Attachée d'émission, Marie-Vanna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. C'est pas tout ce qui s'est passé dans cette petite prairie cette nuit.